Et le chemin, que faut-il suivre? Dans cette jungle, il faut marcher. Un truc de dingue, c'est quoi la vie?